une histoire particulière. Le syndrome de Stockholm est un phénomène psychologique observé chez des otages ayant vécu durant une période prolongée avec leur geôlier. Ils développent pendant leur détention une sorte d'empathie, de contagion émotionnelle vis-à-vis de leur bourreau, selon des mécanismes complexes d'identification et de survie. Trois critères sont nécessaires à l'analyse du syndrome. Le développement d'un sentiment de confiance, voire de sympathie des otages vis-à-vis de leurs ravisseurs, le développement d'un sentiment positif des ravisseurs à l'égard de leurs otages, et l'apparition d'une hostilité des victimes envers les forces de l'ordre. Ces critères étaient-ils réunis lors de l'affaire du kidnapping de Patricia Hearst? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite grâce au documentaire de Pauline Mocor, réalisé par Véronique Samouloff. Le journal. Aucune nouvelle de la petite fille de l'empereur de la presse américaine, Patricia Hearst, Émeric de Dampierre. Interactualité, 1974. Lundi soir, Patricia se trouvait avec son fiancé dans son appartement de Berkeley, en Californie. Deux noirs, aidés d'une femme blanche, se précipitent et entraînent Patricia à demi-nue vers leur voiture. Ils la jettent dans le coffre et disparaissent. Le père de la jeune fille a supplié les ravisseurs de lui rendre celle-ci saine et sauve. Le FBI vient d'entrer en action. Mom, Dad, I'm okay. Cependant, on craint ce soir que les auteurs du rapt ne fassent partie d'une secte noire qui prône le meurtre des blancs. And I was kidnapped by terrorists, and I was J'ai été kidnappé par les terroristes. Ils m'ont brutalisé. Si les terroristes n'avaient pas montré une telle violence lors de l'enlèvement, aucun de ces crimes pour lesquels j'ai été accusé ne serait arrivé. Épisode 1. Patricia Hearst. Papa, maman, je vais bien. Par Pauline Mocor et Véronique Samouiloff. Jusqu'à son enlèvement, elle est la fille d'un magnat de la presse qui possède vraiment toute la presse trash américaine, mais pas que, des chaînes de télé, de la radio, et d'un milieu très très très conservateur. Lola Lafont, auteure de Merci Marie Patty. Elle va à l'université, elle est à Berkeley quand même, et il y a une sorte de décalage entre l'époque où ça a lieu, quand même, 74 en Californie, et puis Patricia qui semble sortir d'un autre siècle. Elle va bientôt se marier, quand elle sort avec sa mère c'est pour choisir la porcelaine, elle est extrêmement riche, elle habite dans un manoir de 22 pièces, elle a son cheval. Et puis, elle est enlevée sur le campus, où elle habite avec son fiancé qui est plus âgé qu'elle. Et à partir du moment où elle est enlevée, son père, puisqu'il possède la presse, commence à raconter l'histoire de sa fille. Et son père, il n'a jamais vendu autant de journaux qu'en racontant l'enlèvement de sa propre fille. Mom, Dad, I'm okay. Maman, papa, je vais bien. Message de Patricia Hearst, enregistré sur cassette en 1974. J'ai quelques égratignures, mais on me les a nettoyées et elles sont en train de cicatriser. J'ai attrapé un rhume, mais ils me donnent des cachets. Je ne suis pas affamée et je ne suis pas battue. Il n'essaie pas de m'effrayer, je ne suis pas bâillonnée ou quelque chose comme ça. Je suis bien traitée. I'm okay. Tu vas bien. Les révolutionnaires ont l'idée intéressante quand même de lui faire enregistrer des messages audio que les radios étudiantes diffusent, que les télés diffusent, et que donc Patricia s'adresse à l'Amérique pendant tout le temps où elle est enlevée. C'est-à-dire qu'il y a clairement une visée médiatique. Ces cassettes, c'est quoi ? C'est des bandes. Elles étaient envoyées, elles étaient déposées un peu partout dans San Francisco. Elles ont été déposées à l'entrée d'une radio étudiante, et puis derrière une poubelle, chez un fleuriste. C'est des bandes qui ont été déposées pendant les 4 mois. Et à partir de là, effectivement, c'est un récit d'une course-poursuite très très moderne, parce qu'elle se passe par médias interposés entre les révolutionnaires et le FBI. Mais c'est aussi la voix d'une jeune fille qui commence à émerger, parce que le texte, il est passionnant. Depuis le premier message où elle rassure son père, je suis vivante, je vais bien, et au fur et à mesure, elle prend une ampleur. Alors, qu'on ait écrit son texte pour elle, ou que ça soit elle qui ait participé, sa voix, elle grandit. Moi, je crois que le groupe ne s'attendait pas à une telle flambée de passion pour l'histoire. Ils se sont retrouvés avec une superstar sur les bras. Also know that the SLA members here are very upset about. Les membres de l'ASL sont vraiment mécontents de la manière dont la presse déforme les événements. Je suis vraiment en colère d'apprendre que la police a forcé la maison à Oakland. Je suis bien contente de ne pas avoir été là. Maintenant, j'aimerais mieux que les gens se calment et cessent de me chercher parce qu'ils ne me mettent pas seulement en danger, mais ils se mettent en danger eux-mêmes. L'histoire de Patricia, c'est aussi celle d'un groupe, donc l'armée de libération symbionnaise, très loufoque. Au début, la police imagine que ce sont des Noirs et des hommes. Et finalement, on va découvrir, et ça c'est un choc évidemment pour les Américains, qu'il est constitué de jeunes femmes blanches et qu'il y a un Noir. C'est-à-dire que ce sont des jeunes filles de la moyenne bourgeoisie américaine impliquées dans plein de combats, dont l'antiracisme, et il leur faut leur symbole prolétaire, quoi. Mais néanmoins, quand même, ce sont des filles et des garçons qui ressemblent beaucoup à Patricia, qui l'enlèvent. Alors, je chausse mes besicles. Bernard Chapuis, journaliste pour le Quotidien de Paris, en 1974. Sur cette photo, on peut voir Patricia entre sa mère Catherine, qui sort de chez le coiffeur, et son père Randolph, qui revient de l'institut de massage. Tout sur cet édifiant document respire le calme et l'intimité à l'ombre des canapés fleuris et des gardes du corps au silence musclé. La pauvre enfant n'aura pu échapper à sa classe. On n'échappe pas à une classe qui manque de classe. Regardez la photo, elle dit tout. Chacun se souvient de Patty Hearst parce que cette jeune fille fut enlevée il y a quelques années par l'armée symbionnaise de libération, composée d'illuminés violents qui voulaient trancher dans le vif de l'injustice sociale à coups de gros calibre. Sitôt raptée, Patricia s'était liée à la cause de ses ravisseurs, avait même participé à des attaques de banque et s'était retrouvée un beau jour sous les verrous, puis dans le box des accusés d'un procès où il s'agissait de défendre la bonne société californienne sans en condamner les résultats, c'est-à-dire les extravagances d'une fille de famille égarée dans le conflit de générations. Vous étiez où? Vous faisiez quoi à cette époque-là, Bernard Chapuis? J'étais au Quotidien de Paris. Je dirigeais le service des informations générales. Vous voulez que je vous parle de cette époque, alors? Bon, toute la jeunesse, en 68, c'était passé à Mexico, c'était passé à Rome, ça s'était passé à Berkeley, c'était passé à l'université de Kent, ça s'était passé partout, il y avait les provos, c'était provocateur. À Amsterdam, il y avait, c'était avant la fraction Amérique Rouge, mais enfin, elle était là en train de mûrir tout doucement. Bon, bref, il y avait dans le monde entier beaucoup d'animation dans la jeunesse. Alors, ça a donné plusieurs produits. Il y a eu un produit qu'on appellerait aujourd'hui le gauchisme. Il y a eu un autre produit qu'on a appelé les hippies. C'était le mouvement Peace and Love. Ça se mélangeait avec les mouvements étudiants. C'était pas tout à fait pareil, mais ça se mélangeait avec le mouvement étudiant. Et les Olibrius, qui étaient l'armée symbionnaise de libération, je sais pas ce que ça veut dire. Il faut sauver symbionnaise, ça... Personne n'a jamais réussi à savoir ce que ça voulait dire. Ce sont des gens qui sont un peu illuminés, qui se prennent pas pour de la crotte de moineau. Et ils étaient bon idiots mais dangereux pour eux et dangereux pour les autres. Et comment avez-vous fait connaissance avec les gens qui vous avaient kidnappé? Comment se sont-ils présentés? 1983, Bernard Pivot interviewe Patricia Hearst. Eh bien, ils avaient l'habitude d'ouvrir la porte du placard de temps en temps pour me parler, pour me donner à manger, pour m'amener aux toilettes. Quand ils me parlaient, c'était en général pour m'endoctriner. Vous avez appris donc que c'était des gens qui appartenaient à l'armée de libération symbionnaise, je ne sais pas comment dire. Bon, l'ALS. Vous les connaissiez avant? Vous aviez entendu parler de ce mouvement révolutionnaire? Oui, j'en avais entendu parler, mais je n'avais pas fait très attention. Qui était le chef? C'était un bagnard évadé, Donald DeFries, qui se faisait appeler Cinque. Et quelles étaient ses opinions politiques? Pourquoi était-il un terroriste? Pourquoi est-ce qu'il avait décidé d'être terroriste? Enfin, il avait quand même des idées politiques très affirmées. Dans tous les textes qu'il a envoyés, il dit qu'il est contre la société américaine, qu'il est contre le capitalisme, que le capitalisme, c'est une entreprise d'exploitation des pauvres, etc. Il avait quand même des idées très très affirmées. Non, pas vraiment. Il n'avait pas vraiment des opinions politiques très claires. Ses idées étaient très ambiguës. Il avait des choses qui semblaient très bien. Par exemple, nous rendrons la terre au peuple. Ça ne veut pas dire grand-chose si on n'a pas les moyens de le faire. Il y a ce qu'on trouve dans beaucoup de groupes terroristes qui veulent vraiment tout démolir, mais qui n'ont pas vraiment grand-chose à mettre à la place. Et qui n'ont pas vraiment l'appui du public. Dans cette période-là, c'est un spectre assez large, hein, que moi je situe à peu près de la fin des 60s avec... Jean-Marc Flahaut, auteur de Stockholm. Avec Charles Manson, l'idée de groupe de communauté, et puis vraiment le glas de cette ère hippie, de cette image pacifique des communautés. Et puis, le spectre peut aller jusque la période un peu paroxystique qui est pour moi 78, qui est le suicide collectif de masse de Johnston, la communauté de Johnston. Donc, il y a cette période où j'ai l'impression que les utopies libertaires ont un peu la gueule de bois. Moi, ce qui m'intéressait dans cette période-là, c'est comment des groupes, des mouvements, des communautés, traversés par cette idée de transformer radicalement la société américaine, ne vont pas pouvoir échapper finalement à une bascule qui va les faire glisser lentement vers la lutte armée, la dérive sectaire, l'extrême violence. C'est au milieu de toute cette période-là de troubles et de questionnements. On a effectivement l'affaire Patricia Hearst, donc début 74. Enfin, l'armée de libération de Saint-Lyonnaise qui va revendiquer le kidnapping de Patricia Hearst se crée un peu avant. Et elle est mue aussi par des idéaux, de rencontres en prison, qui est aussi imprégnée de l'idéologie du Black Power. Et on a ce mouvement qui, lentement aussi, va dériver vers une forme d'action violente, de lutte armée, d'action violente. Mom, Dad, I'm okay. Maman, papa, je vais bien. With a combat unit. Je suis avec une unité de combat qui a des armes automatiques. These people aren't just a bunch of nuts. Ces gens ne sont pas à côté de la plaque. Ils sont prêts à mourir pour ce qu'ils font et j'espère que tu vas faire ce qu'ils disent, papa, et que tu vas le faire rapidement. Interactualité, mars 1974. Pas de nouvelles non plus de Patricia Hearst, fille d'un propriétaire d'une chaîne de journaux américain. Les ravisseurs avaient exigé que des vivres soient distribués à 30 000 nécessiteux. L'opération a été faite à 3 reprises, mais sans résultat. Ce groupe a une idée géniale de marketing qui est de prendre la rançon pour l'offrir à tous les gens qui meurent de faim en Californie. Et cette idée-là, ça va participer à ce qui fait basculer Patricia, parce que grâce à cette rançon qui découvre finalement la pauvreté extrême de l'Amérique, y compris d'un État riche comme la Californie, c'est-à-dire plus de 4 millions de personnes qui vont demander à être nourries, cet instant-là, c'est le basculement, parce qu'elle découvre que toute son éducation est un mensonge. L'Amérique dans laquelle elle croit, dont on la nourrit dans des écoles privées, dans ce milieu archi-conservateur, n'existe pas. Et moi, je pense que ça va faire qu'elle est très sensible, elle sera très sensible aux arguments de la SLA. I'm here because I'm a member of a ruling class family. Je suis là parce que je suis membre d'une famille privilégiée. The SLA has declared war against the government, and it's important La salle a déclaré la guerre au gouvernement. Et c'est important que vous compreniez qu'ils savent ce qu'ils font et que vous compreniez ce que signifie leur action. Alors, elle a été enlevée, la petite Hearst, elle a été enlevée par ces gens-là. Et puis, c'est aussi, oui, il y avait beaucoup de vous avez entendu parler, parce que ça, c'est resté dans le langage journalistique, le syndrome de Stockholm. Tout le monde, je pensais aujourd'hui que c'est quelqu'un qui s'est fait enlever et qui devient à demi contraint le zélateur de son enleveur, de son nouveau maître. C'est ce qui est arrivé à Patricia Hearst. Also, since I am an example, and it's really important that everybody understand that, you know, I am an example and a warning. Je suis un exemple, et c'est très important que tout le monde le comprenne, que je suis un exemple et un avertissement. And because of this, it's very important to the SLA that I return safely. Et c'est pour cette raison que l'ASL va me garder en vie. And as long as the FBI doesn't come in here. En tout cas, tant que l'FBI ne débarque pas, parce que ça, c'est ma plus grosse inquiétude. Because I think I can get out of here. Je pense pouvoir sortir d'ici vivante. Patricia Hearst finit par dire ce qui me fait peur. Et elle le répète tout le temps. Ce n'est pas la SLA, c'est le FBI. J'ai peur de mourir. J'ai peur qu'il rentre et qu'il tue tout le monde, ce qui va finir par arriver. Just do what you can. And I mean, I know you're doing everything. Faites ce que vous pouvez, mais je sais que vous le ferez. Papa, je ne crois pas que tu fais tout ce qui est en ton pouvoir, je crois que tu ne fais rien du tout. Et elle n'a pas tort. Il ne fait pas grand-chose pour la libérer parce que Hiroshige a donné toute la somme et puis il négocie sa fille très très vite. Les gens devraient arrêter de faire comme si j'étais morte. Maman, tu devrais enlever ta robe noire, ça n'aide pas du tout. Elle regarde la télé depuis sa planque, ce qui est vraiment dingue. Elle voit sa mère en deuil et elle dit « je ne suis pas morte ». Et au fur et à mesure, cette histoire devient celle d'une fille en vie. Moi, c'est ça qui m'a frappée, c'est le nombre de fois où elle répète « je suis vivante ». Et c'est vrai qu'à la fin, ça finit par être « je suis vivante et vous êtes mort ». Vous êtes mort parce que vous acceptez qu'on meure de faim. Vous êtes mort parce que le capitalisme américain est monstrueux et je le juge. Et elle a quand même que 19 ans, 20 ans à la fin. I renounce my class privilege and I would never choose to live the rest of my life surrounded by pigs like the Hearst. Je renonce au privilège de ma classe et je ne choisirai jamais de vivre le restant de ma vie entouré par des porcs comme les Hearst. Patria o muerte, venceremos. Ben, c'est un exemple, comment dirais-je, typique d'enfants de bourgeois radicalisés, comme on dirait aujourd'hui. Voilà. Mais au moment où elle a été enlevée, je ne sais pas comment elle était. Ben, à mon avis, elle ne devait pas être en train de manifester à Berkeley. C'était une bonne petite fille de famille. Je pense qu'il y a donc tout un contexte aussi d'intimidation. Quand vous êtes entre les mains, si vous vous faites enlever demain, imaginez-vous par des olibrius, comme ça, vous aurez la trouille. Vous allez vous dire, bon, ils sont quand même des flingues. Ils ont, vous voyez, c'est pas des gentils. Ils ont déjà fait flinguer quelqu'un. Enfin, vous voyez, je pense qu'elle a été sincèrement retournée. Mais bon. Tout ça est très, très spécial, parce que c'était évidemment pas n'importe qui. Randolph Hearst, vous voyez, par ce seul fait, si vous voulez, qu'elle soit la fille d'un grand seigneur de la finance et de la presse, elle était d'emblée sous les projecteurs et d'emblée, bon, si ça avait été la fille du cordonnier de la 25e rue, je sais pas si on aurait... Si même moi, j'aurais écrit quelque chose sur elle, parce que je pense que je n'aurais jamais su qu'elle existait, la fille du cordonnier de la 25e rue. Et la période de captivité ou de séjour de Patricia Hearst avec ses militants de la SLA dure combien de temps et qu'est-ce qui se produit pendant cette durée? Qu'est-ce qu'elle fait en fait à part des cassettes? Eh ben, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'elle fait pendant le procès? Ce qu'elle raconte, c'est qu'elle lit énormément. Elle dit quelque chose qui va l'incriminer et qui est pourtant tellement juste. Elle dit, mais sans les défendre, Elle dit, mais ils m'ont beaucoup appris. Et évidemment qu'ils lui ont beaucoup appris, parce qu'elle était enfermée avec eux, qu'ils ont vécu une vie, finalement, commune, pendant 3 mois, ou 4. Et elle n'a jamais lu Angela Davis, elle n'a jamais lu des analyses politiques. Elle avait 19 ans, elle était dans son milieu. J'imagine qu'elle, oui, évidemment, elle lit beaucoup, elle participe à leurs discussions. Ils déménagent plusieurs fois, parce qu'il y a une planque qui va être découverte par le FBI, qui la mitraille. Heureusement, ils viennent de partir, donc ils ne meurent pas. Et ça aussi, c'est un élément déterminant dans ce que j'appelle sa conversion, c'est qu'elle se rend compte que le FBI n'a pas vraiment envie de la libérer. Finalement, la SLA la garde en vie et que le FBI ne l'aurait pas gardée en vie. Braquage de la banque Hibernia, avril 1974. Eyewitnesses say that as bank robberies go, this one was extremely well planned. Les témoins ont dit que pour un vol de banque, celui-ci était vraiment très bien planifié. FBI agents say the girl identified as Patty Hearst stood right about here. Her right. Les agents du FBI ont déclaré que la jeune fille identifiée comme Patricia Hearst se tenait debout à peu près là. Elle avait sa main droite soit sur la gâchette du fusil, soit à côté de sa poche. Ils veulent des images, ils veulent que le monde entier voit Patricia Hearst convertie, armée, et qui attaque la banque. Ils choisissent une des seules banques de San Francisco qui est équipée de caméras de surveillance, parce qu'à l'époque, il n'y en a pas. Et ça, c'est juste au moment de la bande de conversion dans laquelle elle annonce qu'elle rejoint la lutte et qu'elle s'appellera Tanya. On m'a donné le nom de Tanya, un hommage à la compagne du Che et un soutien au peuple de Bolivie. Maintenant, je suis déterminée à continuer la lutte en son nom. D'une certaine façon, la fureur du FBI contre ce groupe, elle était aussi due à l'humiliation que le FBI a subie, parce qu'ils ont cherché cette jeune fille et ces gens partout, alors qu'ils étaient toujours dans la même ville. Ils ne sont pas allés plus loin que Los Angeles. Et qu'on les a cherchés, mais d'une manière dingue. Et c'est aussi un détail qui est important, parce que s'ils sont restés introuvables, ça veut dire qu'ils ont été très protégés. Alors, bon, moi, quand j'étais aux États-Unis et que j'ai fait les recherches, j'ai vu que plein de gens ont reconnu Patricia Hearst et ne l'ont pas donné aux flics. Ça veut dire qu'à un moment donné, le côté, entre guillemets, Robin des Bois de la SLA touche un milieu populaire. Quand l'armée de libération symbionnaise est pratiquement décimée aux trois quarts dans l'incendie de leur planque à Los Angeles par la police de Los Angeles qui rigole pas. Il n'y a pas qu'un incendie, hein, il y a une. Enfin, c'est. Oui, ils tirent dans le tas. C'est, je crois, la plus grosse fusillade aux États-Unis. Elle a duré des heures. C'est la première qui a été retransmise en continu sur les chaînes d'info. C'est-à-dire qu'on voit la révolution directe à l'été. En tout cas. La révolution qui est en train de perdre face aux forces de police, enfin, c'est en même temps c'est Rio Bravo, enfin c'est l'Amérique quoi. Et Patty Hearst voit ça à la télévision, puisqu'à ce moment-là, elle est avec deux autres membres de la SLA, des époux Harris, si je ne me trompe pas, et ils sont dans une chambre d'hôtel parce que bon, il y a quelque chose qui s'est mal passé, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu rejoindre la planque, donc ils se sont isolés, et ils voient ça à la télévision. Vous voyez ça en direct sur votre poste de télévision. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Oui, c'était du direct en effet. Et le climat passionnel dans le pays était si intense au moment où j'ai été arrêtée que le plus étonnant était de voir cela en direct. Et on a arrêté tous les programmes pour montrer quelque chose comme ça dans tout le pays. À l'époque, tout le monde pensait que j'étais dans la maison, moi aussi. Les autorités le pensaient. Ça m'a fait très très peur, parce que j'aurais pu y être et je n'aurais pas survécu. Et ça aussi, c'est un truc qui est historiquement intéressant. L'élimination de la SLA est la première traque télévisée en 1974. C'est-à-dire que l'Amérique entière va suivre le moment où le FBI les localise, le moment où la maison est encerclée, où il y a une sorte de surenchère d'armes et de voitures de police et d'hélicoptères, etc. C'est dans un ghetto noir et pauvre. Évidemment, il y a des gens qui sont touchés par des balles, il y a des maisons en feu, il y a des voitures en feu, et la police n'en a rien à faire. Ce qui compte, c'est de liquider la SLA. Donc ça, elle le voit. Elle y assiste depuis une chambre d'hôtel et elle voit le FBI assassiner hein, ses amis, parce qu'ils sont devenus un petit peu ses amis quand même. Alors est-ce que c'est à ce moment-là qu'elle se dit que finalement bah, elle est morte ? Je pense qu'il y a une part d'elle qui meurt là, à ce moment-là. Est-ce qu'elle est dans la résignation ou voilà, est-ce qu'il y a une autre Patricia Hearst qui naît à ce moment-là ? Mais toujours est-il que va se dérouler là un certain nombre de mois avant qu'elle soit arrêtée. Et ces mois-là sont rarement observés. Où ils se réfugient, se réunissent à la campagne. On ne sait pas trop ce qui se passe en fait. Parce qu'ils ne savaient pas trop, ils n'étaient plus que trois, alors ils ne savaient pas trop où aller quoi. C'est là qu'elle enregistre sa dernière bande où elle les passe en revue un par un, elle leur fait un hommage de ses camarades entre guillemets disparus, qui est assez poignante quoi. On ne sait plus si ce sont ses ravisseurs ou ses proches, c'est-à-dire ce qu'elle a vu, c'est des gamins de moins de 30 ans qui sont criblés de balles, brûlés vifs, et elle sait très bien que si elle avait été dans la maison pour la deuxième fois, elle serait morte. Donc elle parle des choix politiques de ses parents, des choix politiques du capitalisme américain. Elle dit il y aura bientôt plus de travail, le nucléaire est dangereux. Elle dit vraiment pas tellement autre chose que ça. Interminuit, Daniel Saint-Amand. Arrestation de Patricia Hearst, 19 septembre 1975. Bonsoir, elle avait disparu depuis plus d'un an. Ce soir, aux États-Unis, le FBI a arrêté Patricia Hearst, la fille du milliardaire propriétaire d'une chaîne de journaux américains. Patricia Hearst a été aussitôt emprisonnée sous l'inculpation d'attaque à main armée. Elle avait en effet pris part le 15 avril dernier à une attaque contre une banque de San Francisco. Elle a passé quelques années en prison et ses parents ont mené une campagne très très active pour commuter sa peine et surtout pour, on va pas dire blanchir son nom, mais un petit peu. Donc elle sort rapidement, quand même, assez rapidement. Elle a réintégré sa vie, elle a fait un cercle complet et elle est cette milliardaire de la famille Hearst et Patricia épouse son garde du corps et ça a duré leur mariage jusqu'à la mort. Du garde du corps, qui est assez récente. Elle a fait du cinéma, cela dit, elle a quand même eu un côté très rock'n'roll. Elle a tourné dans quelques films, dont celui de John Waters. Et puis, elle est redevenue une dame respectable qui fait des concours de petits chiens. Elle est programmée, elle est, comment dirais-je, formatée pour faire partie de cette chose-là. Elle a regagné son corps d'origine. Mais ça ne veut pas dire que le corps d'origine est spécialement rigolo. Hein. Il y avait une chanson de Claude François dans les années 60, vous vous souvenez de ça ? Toute seule sur cette plage, pauvre petite fille riche, toute seule, aussi seule. Oui, on peut être riche et malheureux, bien sûr. Même si elle est devenue ce qu'elle aurait dû devenir au départ, il y a un moment donné où Patricia, quand même, est autre chose. Et peu importe que ça n'ait pas duré, il y a un moment donné où elle dit « Je suis vivante ». Merci à Gwen Michel, Marie Pluchet, Emmanuel Boujou, Kate Benson, Christelle Le Polotec, Juliette Kahan. C'était Patricia Hearst, épisode 1. Papa, maman, je vais bien. Avec Lola Lafont, Bernard Chapuis, Jean-Marc Flao, Patricia Hearst. Mixage Bernard Laniel. Prise de son Lucien Lefebvre. Coordination Christine Bernard. Un documentaire de Pauline Mocor et Véronique Samuilov. La suite du kidnapping de Patricia Hearst, ce sera demain à 13h30.